Il nous faut regarder le phénomène de la certitude incertaine que l'homme nouveau éprouve, que l'homme qui se conscientise éprouve au fur et à mesure où il devient sensible à ses vibrations, à son énergie, et dans un même temps ne peut pas ou n'est pas capable d'être parfaitement certain de la direction que prendra les événements dans sa vie. Donc l'homme nouveau connaîtra ce phénomène de certitude incertaine. Et la compréhension de ce phénomène fait partie de l'étude de la relation entre l'ego et le double, de l'ego et sa conscience, de l'ego et les événements à venir. Pour que l'homme se situe bien dans la compréhension de ce phénomène, il lui faudra prendre conscience petit à petit, graduellement, de certains événements passés qui, eux aussi, avaient été soumis au même principe de certitude incertaine. C'est-à-dire que l'homme nouveau, plus il avancera dans la conscience, dans le raffinement de la conscience, dans le dégagement égoïque, plus il pourra regarder en arrière de lui, pas très loin, et voir qu'au cours de son évolution, au cours de son ajustement vibratoire, le phénomène de la certitude incertaine faisait carrément partie de l'ajustement du corps mental et du corps émotionnel en relation avec l'énergie de sa vie et les événements qui s'y rattachent. Et l'homme verra que, effectivement, la conscience, dans sa réalité, dans sa profonde intelligence, amène toujours l'homme à pouvoir vérifier, dans le temps, que son incertitude n'était que le produit d'un manque de voyance absolue, mais qu'elle faisait partie aussi du fait que son corps mental et son corps émotionnel, face au mouvement de l'énergie en lui, devaient être ajustés. Donc, si nous regardons les deux composantes, l'incertitude et la certitude, qui vont de pair dans la vie et dans l'expérience de la vie, l'homme apprendra à se fixer sur la certitude et à mettre de côté et à ne pas s'inquiéter de l'incertitude. Avec le temps, il deviendra habile à ceci, et avec le temps, l'incertitude disparaîtra parce que il aura été amené par l'énergie, par la vie, par la conscience, à se créer un foyer de vie, c'est-à-dire une vie suffisamment sous son contrôle, suffisamment intelligente, une vie à l'intérieur de laquelle aucun espace n'existera pour lui créer des tensions ou des souffrances. Et à ce moment-là, l'homme ne vivra plus de la certitude incertaine, il ne vivra que de certitude. Mais ceci viendra avec le temps, parce que, pour que l'homme en arrive à ne vivre que de la certitude, il faut que ses corps, que ses principes soient ajustés à l'énergie puissante de la vibration. Et c'est la puissante énergie de la vibration et l'intelligence à l'intérieur de cette vibration qui crée ce mouvement incertain dans la conscience humaine. Lorsque l'homme aura finalement ajusté ses principes et que l'énergie passera en lui de façon régulière et harmonieuse et sans heurts, à ce moment-là, l'aspect vibratoire de l'incertitude disparaîtra de sa conscience et l'homme ne connaîtra que la certitude, donc l'homme sera totalement en dehors de la survie. La certitude de l'incertitude, ou plutôt l'incertitude de la certitude, fait partie du fait que l'homme est encore dans la survie. Et tant que ce dernier sera dans la survie, il connaîtra de l'incertitude parce que il y aura une dimension de son énergie qui n'aura pas encore été parfaitement ajustée à ses corps. Cette incertitude demeurera jusqu'à ce que l'homme ait été donné de pouvoir agencer sa vie avec le plus d'intelligence possible, afin que sa vie ne soit plus basée ou colorée par la programmation astrologique. C'est alors que l'homme sera libre des plus grosses influences négatives dans sa vie sur le plan des planètes et que le restant de sa vie sera très facile et continuera sans arrêt à devenir de plus en plus agréable. Mais l'homme devra payer le prix de cette certitude incertaine pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce que l'énergie ait été passée en lui, à travers ou en fonction des événements, pour l'amener à ajuster son corps émotionnel et son corps mental, afin qu'il en arrive éventuellement à devenir un canal solide, un canal sûr, un canal qui pourra prendre toute l'énergie qui doit être déversée ou canalisée en lui, sans que les aspects planétaires inférieurs ou astro ou astralisables fassent interférence avec ce processus créatif de la conscience supramentale. L'énergie de la conscience créative fait partie du pouvoir éventuel de l'homme sur la Terre. Et cette énergie ne peut pas se placer dans l'homme sans que des événements soient utilisés pour la transformation de ses corps. Et c'est le fait que cette énergie doit se placer de façon harmonieuse, qu'elle doit être absorbée totalement sans que l'ego subisse de réflexion, qui est à la base du phénomène de la certitude incertaine. Mais avec l'expérience de la conscience nouvelle, avec la conscience vibratoire de l'énergie, avec l'expérience psychique de l'homme qui se renouvelle constamment au cours de l'évolution, l'homme en viendra éventuellement à ne plus sentir la présence de l'incertitude en relation avec la certitude. Cette dernière disparaîtra et l'homme verra que la vie est réellement et totalement agencé pour son bien-être. Et lorsque les événements se manifesteront dans cette direction, l'homme perdra sa sensibilité aux facteurs d'incertitude dans la vie et il commencera à être réellement bien dans sa peau, c'est-à-dire à vivre une vie très agréable à tous les niveaux de sa conscience et de son expérience. Mais pour que l'homme découvre les mécanismes vibratoires de sa conscience, il lui faut faire expérience de ces mécanismes-là dans un état brutal, ou dans un état brut, ou dans un état qui n'est pas très perfectionné, très raffiné. Parce que l'homme ne peut pas passer de la vie inconsciente à la vie consciente créative sans avoir à éliminer les obstacles qui créent l'incongruité entre ces deux vies. Et c'est pour ça que l'évolution de la conscience supramentale est une évolution qui se fait par rapport à une tension psychique dans l'homme. Naturellement, cette tension psychique, elle est pénible, elle est fatigante, elle n'est pas plaisante à supporter. Mais d'un autre côté, il y a deux aspects dans ceci. Il y a l'aspect que certains hommes pourraient facilement changer ou s'amener à changer leur vie s'ils éliminaient les aspects purement psychologiques de l'ego dans leur vie. Et d'un autre côté, il y a les aspects vibratoires, créatifs, reliés à l'action du double à travers l'ego, qui font que la vie ne peut pas être amenée à un état de perfection tout de suite. Mais si l'homme s'avise et ajuste les aspects qui sont sous son contrôle, à ce moment-là, déjà, il aura grandement avancé et il verra que l'ajustement des événements par rapport à ses besoins se fera beaucoup plus rapidement. Autrement dit, nous disons que beaucoup d'hommes retardent leur bien-être par leur propre faute. Que l'homme ne soit pas capable de s'amener à un bien-être créatif parfait parce qu'il n'a pas encore tout le pouvoir vibratoire de sa conscience derrière lui, ça c'est une chose. Ça prend le temps que ça prend selon l'individu. Mais que l'homme ne soit pas capable d'éliminer les obstacles psychologiques de sa propre conscience égoïque à son propre niveau, choses qui sont sous son contrôle, à ce moment-là, ce n'est plus la faute de sa conscience en évolution, ça fait partie des aspects psychologiques de l'ego que lui pourrait éliminer s'il était suffisamment intelligent. Donc, dans le phénomène de la certitude incertaine, nous regardons plutôt le côté où les aspects psychologiques de l'ego sont suffisamment éliminés pour ne laisser place qu'aux aspects vibratoires de la conscience à travers l'événementiel, à travers la conscience créative. Et c'est ici que nous réalisons que l'homme, avec le temps, verra que l'aspect incertain de la certitude disparaît proportionnellement à l'évolution des événements, l'évolution de sa conscience et le perfectionnement de ses corps. Mais nous voulons citer le fait qu'il y a deux aspects, deux niveaux dans l'homme. Un niveau que lui peut, sous son contrôle, ajuster, et un autre niveau qui ne peut pas être ajusté par lui, mais qui fait partie du développement des événements en relation avec son potentiel créatif. Ce que la conscience créative engendre, elle l'engendre par rapport à des données qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'homme. Il viendra que ces données seront sous le contrôle de l'homme et à ce moment-là, il vivra le bien-être, il sera en dehors de la survie, il œuvrera et sa vie sur le plan matériel sera très agréable. Mais les hommes qui ont des problèmes psychologiques, les hommes qui peuvent éliminer des aspects de leur conscience qui sont sous leur contrôle, devraient le faire dans une période relativement courte afin de pouvoir accéder plus rapidement à la transmutation psychique de l'être et ainsi en arriver plus rapidement à la conscientisation des principes pour pouvoir sortir de la survie. Mais si l'homme n'est pas capable de se libérer des aspects psychologiques de l'ego qui sont sous son contrôle, il est évident qu'il est loin de passer de la survie à l'œuvre. Mais nous parlons de ceux qui sont déjà suffisamment libres au niveau de l'ego, mais qui n'ont pas encore parfaitement traversé le corridor du temps qui est nécessaire pour que des événements se fixent et qu'ils ne sentent plus cette tension psychique qui ressort de la certitude incertaine. Et ces êtres-là découvriront que le temps vient où quelque chose dans le monde, pour ces hommes, pour ces êtres, est en train de se fixer, de se figer, pour les amener, pour leur permettre à finalement travailler, œuvrer, créer, à un niveau qui leur convient très bien. Soit sur une base personnelle ou sur une base collective, mais il y a effectivement des événements qui se place dans la vie de la conscience supramentale en relation avec des hommes en évolution, où ce dernier ou ces derniers découvriront finalement qu'il y a un tunnel qui débouche quelque part et qui les amène à finalement vivre comme ils l'ont toujours voulu. Mais en attendant l'incertitude, ou la certitude incertaine, fait partie du processus d'ajustement des corps afin de faciliter le passage de l'énergie et donner à l'homme une plus haute perception de ses subtilités, donc afin de donner à l'homme, au bout de la ligne, une plus grande intelligence synthétique, une plus grande intelligence des aspects complexes et subtils de la volonté créative de la conscience. La certitude incertaine est un peu comme un filtre qui fait passer graduellement la lumière, qui élimine graduellement les obstacles à la lumière et qui un jour n'est plus nécessaire parce que le canal a été suffisamment développé pour que l'homme puisse supporter la puissance créative de la lumière. Donc la fonction de la certitude incertaine est d'amener certains individus, je ne dis pas tous les individus, mais certains individus un jour à pouvoir travailler de façon créative et harmonieuse avec ce rayonnement puissant de la lumière qui passe et qui se manifeste ou se manifestera à travers des individus qui ont atteint un certain niveau de réalisation, de compréhension, d'identité et de conscience suffisamment universalisée ou commune pour leur permettre d'avoir beaucoup de plaisir dans la vie, autant sur le plan du travail que sur le plan des relations humaines. Il est évident qu'il y a beaucoup de choses que la conscience créative de l'homme fera générer sur le globe, sur le plan matériel. Il y a énormément de choses et ces choses sont pour la plupart cachées à l'homme. Mais c'est à lui de se préparer ou d'être préparé à pouvoir vivre ces événements afin que sa vie soit réellement pleine et qu'elle soit caractéristique de la puissance créative sur la Terre. Sinon, la vie est plate, la vie est totalement mécanique, et l'homme nouveau ne pourra pas vivre une vie mécanique une fois arrivé à un certain niveau de sensibilité vibratoire. Il aura besoin de vivre une vie dynamique, mais dont le fond sera très calme. Une vie très active, mais dont l'apparence sera toujours amalgamée avec le plaisir. Donc, le filtre de la certitude incertaine est essentiel au perfectionnement de l'émotion et à l'ajustement du mental, afin que l'émotion et le mental n'interviennent pas en opposition dans le processus créatif de l'énergie. Donc, la certitude incertaine est un filtre, il faut la considérer comme un filtre, c'est un filtre psychique, il a une fonction créative, il a une fonction de longue durée, il a une fonction nécessaire et essentielle à la réussite de l'homme, au passage de l'énergie créative dans l'homme, et à l'harmonisation de l'homme avec l'événementiel afin que, une fois ajusté, l'être humain puisse rendre dans le monde, à son échelle, l'énergie faisant partie de sa conscience et devant être manifestée. Donc, l'incertitude ou la certitude incertaine est un filtre et nous devons la considérer comme telle. Et lorsque l'homme vivra cette tension psychique, qu'il revienne à cette notion de filtre, et la souffrance, la tension psychique reliée à ce phénomène s'amenuisera, et l'homme pourra mieux les supporter. On me demandait dernièrement pourquoi, si l'homme peut être en contact avec le double, pourquoi ne peut-il pas recevoir des réponses directes et précises et absolues, puisque le double est absolu? Et je répondais que si le double répondait à l'homme de façon absolue, et que l'homme recevait des réponses avec lesquelles il pourrait parfaitement s'identifier sur le plan matériel, le double détruirait le filtre. Autrement dit, le double se donne toujours un peu d'espace, il empêche toujours que l'homme ait trop de facilité de conversation directe et absolue avec lui, au niveau des réponses, afin d'utiliser ce filtre, parce que c'est le filtre qui permet à l'homme de transmuter ses principes. Ce n'est pas la communication avec le double. Si l'homme vivait simplement la communication avec le double et qu'il recevait des réponses certaines, il n'y aurait aucun travail fait sur ses centres. Donc l'homme ne serait pas capable, il ne serait pas amené demain plus tard à pouvoir passer du plan matériel au plan éthérique. Donc, si nous regardons le phénomène de la relation avec le double, le phénomène de la communication, ce n'est pas simplement le phénomène de la communication qui est important, c'est le filtre. Et ceci doit être bien compris parce que il est essentiel que l'être comprenne, réalise, qu'il y a deux aspects dans l'évolution de la conscience. Un aspect qui est transformationnel et un aspect qui est communicatif, télépathique. L'aspect télépathique fait partie de l'alliance entre l'homme et le double, il fait partie de la conversion de la conscience inférieure à une conscience supérieure. Mais le filtre dont nous parlons, c'est l'outil dont se sert le double pour la transmutation des principes, pour que l'homme en arrive un jour à être capable de supporter un certain niveau de fusion qui le fera passer du matériel à l'éther. Donc, le filtre est très important. Il est caractéristique de l'initiation solaire. Il fait partie de la relation entre l'homme et l'énergie, et l'homme doit apprendre avec le temps à pouvoir en supporter la tension psychique afin que l'aspect incertain cesse de le troubler et qu'il entre finalement dans la certitude, autrement dit dans la compréhension parfaite des événements et dans la relâche du travail fait sur ses corps subtils. Lorsque l'homme aura compris que la certitude incertaine fait partie de la descente de l'énergie dans la matière, il commencera à relaxer dans la vie. Il commencera à vivre en fonction d'un instantané de plus en plus permanent. Et sa vie deviendra de plus en plus légère. Mais pour comprendre la certitude incertaine dans son aspect vibratoire et aussi dans son aspect intelligent, il faut être soi-même suffisamment conscient des lois données par la lumière et reconnaître que ces lois ne font pas partie de la pensée de l'homme. À partir de ce moment-là, l'homme bénéficie d'un support absolu, autant sur le plan psychologique que sur le plan psychique. Et c'est à partir de ce point que sa vie devient plus facile, même s'il est encore sujet à vivre un rayonnement d'énergie qui n'est pas parfaitement intégré aux événements comme lui souhaiterait qu'il le soit. Mais à partir du moment où l'homme considérera le phénomène de la certitude incertaine comme étant un filtre utilisé par le double pour l'ajustement de ses principes et qu'il considérera ceci comme une clé de la science du mental et de l'énergie, il souffrira moins de cette situation et commencera à composer avec elle. Plus il apprendra à composer avec elle, plus il sera habile à ne pas en souffrir, et plus il sera capable d'en supporter les manifestations de moins en moins fréquentes au fur et à mesure qu'il passera de la survie à la vie intégrale ou à l'œuvre. L'aspect ou le côté de la certitude dans cette composante permet à l'homme de sentir, de percevoir une direction générale ou plus ou moins générale, plus ou moins vague de son avenir. Il voit, il perçoit une certaine direction qui lui sied bien. L'incertitude, par contre, relève des événements particuliers qui constituent l'anagramme de cet avenir. Et plus l'homme se conscientisera, plus la certitude et l'incertitude feront un. Dans ce sens que plus sa voyance deviendra parfaite, moins de tensions se créeront dans sa vie, plus les événements s'enligneront de façon formelle, ce qui lui permettra finalement de pouvoir vivre sur une base de conscience permanente en ce qui concerne son devenir, son avenir. Il pourra finalement vivre relax et ne plus connaître les sursauts d'énergie qu'il doit supporter aujourd'hui au niveau du plexus solaire. Avec l'évolution de la conscience, avec la compréhension de cette composante comme faisant partie d'un filtre utilisé par le double, l'homme découvrira la fonction créative de ce filtre et, dans un avenir suffisamment rapproché, il souffrira de moins en moins de sa fonction et passera par-dessus la perception vibratoire de ce filtre. Et il continuera son chemin, développant de plus en plus un calme profond. S'il devient conscient du filtre, de la fonction du filtre, ce dernier ne pèsera plus sur sa conscience comme auparavant. Il apprendra connaissance, il le réalisera et instantanément, dans un même mouvement de son esprit, en neutralisera les effets sur le plan de l'émotion. Mais si l'homme ne réalise pas la valeur ou la fonction du filtre de cette composante certitude-incertitude, il sera obligé d'en vivre les aspects pendant une grande période de temps et il ne pourra pas jouir de sa vie parce que un travail constant se fera sur ses sens. Il est très important pour l'homme de comprendre la fonction du filtre, sa présence en lui, afin de pouvoir diminuer la pression psychique qu'il crée, et aussi afin de comprendre que son avenir, son devenir, est le produit de l'alignement de force en lui, en relation avec les événements de la vie, et aussi en relation avec l'activité créative de son esprit. Ceci amènera l'homme à développer une grande force intérieure, une grande foi intérieure. Foi dans un sens nouveau, dans un sens réel, c'est-à-dire une grande certitude en lui-même, une certitude profonde, mais qui, en surface, laisse un peu sous-entendre ou laisse un peu percevoir l'incertitude des événements. Donc, dans la composante de la certitude-incertitude, la certitude se fixera dans le fond de l'homme, dans le fond de sa conscience, alors que pour un certain temps, l'incertitude flottera un peu à la surface de sa conscience. Ayant pris connaissance de ce fait sur le plan de la science de l'énergie, L'aspect supérieur ou superficiel ou extérieur de cette composante, autrement dit l'incertitude, aura moins de poigne sur lui, moins d'effet sur lui. Il en souffrira moins. Et le côté certitude profondément ancré dans son être deviendra son référent permanent, son référent à long terme. Son référent qui lui assurera que, bon gré mal gré, la vie l'amène dans une direction qui convient parfaitement à ses besoins. C'est ainsi que l'homme développera une grande confiance intérieure, une confiance née de la réalisation de la certitude, mais brimée un peu temporairement par le phénomène de l'incertitude qui sert d'outil à la lumière passant par les centres psychiques de l'homme en évolution. L'ego conscientisé apprendra à ne pas s'affaisser sous la pression psychique de cette composante, certitude, incertitude. Il verra de plus en plus le jeu de l'esprit. Il verra de plus en plus qu'il est testé afin de développer une force intérieure. C'est de sa force intérieure qu'il vivra. C'est de sa force intérieure qu'il pourra manipuler l'énergie. C'est avec cette force qu'il entrera dans une phase de vie créative. L'homme ne peut pas rentrer dans la vie créative faible. Il ne peut pas participer créativement à sa puissante énergie alors que lui-même est incapable d'en supporter le mouvement parfait à travers ses centres. Donc, cette composante sert à créer en lui, à engendrer en lui une plus grande force, à le rendre invulnérable aux événements. Et plus l'homme deviendra invulnérable à l'apparence des événements, plus il entrera dans l'enlignement psychique de ses centres. Donc, plus il participera à l'activité créative de son énergie à travers les événements. C'est dans ce sens que le filtre est très important et qu'il sert beaucoup plus à la transmutation de l'homme que la simple communication avec le double. La communication avec le double, elle est essentielle, elle fait partie dans le temps à l'actualisation sur le plan mental de sa présence. Mais la transmutation de l'énergie à travers le filtre qu'il utilise pour amener le taux vibratoire de l'homme à un niveau supérieur fait partie de la science de la lumière, de la science de l'esprit, du mouvement de l'esprit. Et cette participation entre en action directe avec la transmutation de l'homme afin de produire au cours de l'évolution un homme intégral, un homme total, un homme sans faille, un homme sans crainte, un homme sans faiblesse. Un homme capable de supporter la vie, parce que aujourd'hui la vie est une chose, demain elle sera une autre chose, et à la fin du cycle elle sera terriblement une autre chose. Donc l'homme amené à une transmutation à travers ce filtre sera prêt demain, plus tard, au fur et à mesure où les événements de la Terre deviendront de plus en plus difficiles à supporter. Ce dernier, cet homme conscient, sera libéré des mécanismes psychologiques de l'ego qui, s'il n'avait pas été préparé, ferait absolument interférence avec des expériences d'un autre ordre qui feront partie de l'évolution de l'humanité ainsi que de l'expérience de l'homme nouveau. Nous, les hommes, nous avons tendance à regarder notre relation avec le double sur une base purement personnelle, dans un cadre actuel, tout de suite. Alors que le double, lui, la lumière, l'intelligence, l'esprit, regarde sa relation avec l'homme sur une base beaucoup plus longue, beaucoup plus étendue, une base allant jusqu'à la termination de sa vie purement matérielle. Donc, évidemment, certains hommes, sur le plan matériel, vivront des expériences profondes au fur et à mesure où les événements de la Terre se développeront en fonction d'un plan déjà connu dans les sphères. C'est dans ce sens que l'homme doit être préparé, c'est dans ce sens que le filtre de cette composante, certitude et incertitude, doit être utilisé pour qu'il puisse traverser l'aspect astral de sa conscience et finalement aboutir sur un terrain réellement mental, sur un plan réellement conscient, où son intelligence se manifestera sans heurts, sans obstacles, et sans que l'homme soit obligé de souffrir. Donc le filtre est important, et nous devons le considérer comme tel, comme un outil de l'esprit, non pas utilisé contre l'homme, mais utilisé pour l'évolution des principes de l'homme. À partir du moment où l'homme pourra facilement, réellement réaliser ceci, il aura entre les mains une très grande clé d'évolution, et il verra, en regardant un peu derrière lui, qu'effectivement, là où il avait subi ou là où il avait souffert un peu de cette certitude incertaine, que les événements se sont déroulés en sa faveur, que les événements se sont déroulés en fonction de ses besoins et qu'avec le temps, son être, son aspect mental, conscientisé, devenait de plus en plus capable de juger précisément la valeur de l'événementiel en fonction de ses besoins. Nous pouvons avec grande précision dire que l'homme qui aura dépassé le seuil de la souffrance créée par cette composante, certitude, incertitude, n'aura plus de mauvaise expérience dans la vie, qu'il n'aura plus à subir la vie, parce que déjà, ses principes auront été suffisamment ajustés pour qu'il puisse parfaitement retomber sur ses pieds comme un chat, quel que soit l'événement ou les événements dans la vie qui puissent venir sembler ternir son expérience. Donc, à ce moment-là, l'homme bénéficiera d'une vie ouverte sur une infinité, d'une vie qui ne pourra pas s'éteindre à cause des limitations de sa matérialité. Donc, il y a effectivement un prix à payer, mais ce prix vaut la peine d'être payé parce que c'est ce prix qui affranchira l'homme de la douleur créée par les événements qui ne coïncident pas toujours avec ce qu'il voudrait qu'il coïncide. Mais plus l'homme comprendra la mécanique occulte de l'esprit et de l'énergie, plus il verra que tous les événements servent et doivent servir d'une façon créative à la constitution sur le plan matériel d'une fusion éventuelle et intégrale entre la lumière et l'homme. Il est indiscutable du point de vue d'une conscience créative que ce filtre soit essentiel à la transmutation de la conscience. Il est indiscutable aussi que l'homme doit en arriver un jour à être libéré de ce filtre. Donc, dans la première portion de l'évolution, l'homme sera obligé de le subir, et dans une autre portion de son évolution, l'homme en sera libéré. Tout ce que nous pouvons faire présentement, c'est de comprendre son existence, d'en réaliser la fonction, l'outil ou la qualité d'outil utilisé par l'énergie à travers l'ego. Si nous sommes capables de froidement et objectivement et profondément réaliser ceci, la valeur psychologique de ce filtre s'estompe et il ne demeure que la valeur vibratoire. Et la valeur vibratoire, l'homme peut la supporter. Ce n'est pas le travail vibratoire qui crée chez l'homme de la souffrance, c'est la réflexion de ce travail. Donc, c'est toujours au niveau de l'ego psychologique que la souffrance naît. Ce n'est jamais en fonction ou par rapport au travail vibratoire créé par l'énergie en relation avec les événements à travers les centres psychiques de l'homme. Donc, plus l'homme se conscientisera, plus il se détachera de la valeur psychologique de ce filtre, plus il prendra conscience de la valeur vibratoire du filtre, et plus il se libérera de la souffrance qui en découle à cause de la qualité psychologique de l'ego qui n'est pas encore parfaitement intégrée à l'énergie.